Lux. Partis des ténèbres de Nox, nous arrivons à la clarté lumineuse de Lux, au milieu d'une vision apocalyptique, aux grandioses perspectives optimistes, bien propres, à réconforter les proscrits du Second Empire et les innombrables victimes de toutes les tyrannies politiques de tous les temps et de tous les pays. Temps futur, vision sublime, les peuples sont hors de l'abîme, le désert morne est traversé. Après les sables, la pelouse, et la terre est comme une épouse, et l'homme est comme un fiancé. Dès à présent, l'œil qui s'élève voit distinctement ce beau rêve qui sera le réel un jour. Car Dieu dénouera toute chaîne, car le passé s'appelle haine, et l'avenir se nomme amour. Fête dans les cités, fête dans les campagnes, les cieux n'ont plus d'enfer, les lois n'ont plus de bagne. Où donc est l'échafaud ? Ce monstre a disparu. Tout renaît. Le bonheur de chacun est accru de la félicité des nations entières. Oui, je vous le déclare. Oui, je vous le répète. Car le clairon redit ce que dit la trompette. Tout sera paix et jour. Liberté. Plus de serfs et plus de prolétaires. Ô sourire d'en haut. Ô du ciel pour la terre, majestueux amour. L'arbre saint du progrès, autrefois chimérique, croîtra, couvrant l'Europe et couvrant l'Amérique, sur le passé détruit, et, laissant les terres pures luire à travers ses branches, le jour apparaîtra, plein de colombes blanches, plein d'étoiles, la nuit. Et nous qui serons morts, morts dans l'exil peut-être, martyrs saignants, pendant que les hommes sans maître vivront, plus fiers, plus beaux, sous ce grand arbre, amour des cieux qui l'avoisinent, nous nous réveillerons pour baiser sa racine au fond de nos tombeaux.